franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Autant n'importe l'histoire, Azalaïs, la belle troubadour. Un conte qui va nous conduire au Moyen-Âge, dans les cours des seigneurs du Languedoc, quand les troubadours chantaient l'amour de leurs dames. Les 12e et 13e siècles. Que gardons-nous aujourd'hui de cette époque lointaine? Des images de livres d'histoire, des images guerroyantes de films et de séries? Le souvenir peut-être aussi de visites de châteaux forts, à moitié en ruine, isolés en plein vent en haut d'un éperon rocheux et inaccessible. Mais comment faisaient-ils pour vivre ici, nos frères humains du Moyen-Âge? C'est pourtant là, dans ces grandes salles glacées éclairées par d'étroites meurtrières, que les seigneurs et leurs dames organisaient de grandes fêtes. Imaginons des tapisseries sur les murs, un feu dans l'imposante cheminée. C'est là que les troubadours ont inventé un nouvel art poétique et un nouvel art d'aimer, la fine amour. Ils s'appelaient Rimbaud d'Orange, Geoffrey Rudel, Bernard de Ventadour ou Ermengarde de Narbonne. Des hommes et quelques femmes, peut-être pas si éloignés de nous. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Michel Zinc, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes professeur au Collège de France et membre de l'Institut et un grand spécialiste de la littérature française et occitane du Moyen-Âge. On peut même dire que vous êtes un grand amoureux de cette littérature, en particulier celle écrite et chantée par les troubadours des 12e et 13e siècles. Les auditeurs de France Inter vous connaissent bien puisque vos chroniques « Bienvenue au Moyen-Âge » avaient eu beaucoup de succès donc pendant l'été 2014. Alors selon vous, ces hommes et ces femmes du 12e et du 13e siècle, est-ce qu'ils étaient si éloignés de nous? Ils l'étaient nécessairement parce que c'est si loin, mais ils nous ressemblaient nécessairement, pourrais-je dire, pour la raison que vous avez dite il y a un instant, c'est-à-dire qu'ils ont inventé une forme d'amour, une sensibilité à l'amour et une forme d'expression de cet amour dans la poésie dont notre civilisation a vécu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est peut-être le domaine dans lequel le Moyen-Âge nous est le plus proche. Et en quoi aujourd'hui y en a-t-il des traces de cet amour courtois? Des traces qui peut-être s'amenuisent, mais l'idée d'un amour qui est tremblant à la fois de respect et de désir, d'une difficulté inhérente à l'amour, du fait que l'amour est à la fois une joie, une souffrance liées de façon indissoluble. Il n'y a pas d'amour parfaitement heureux, il n'y a pas d'amour complètement malheureux, parce que l'amour contient toujours une sorte d'excitation, même quand il est désespéré, et l'idée que la poésie a essentiellement pour mission de dire l'amour. Ce n'est pas le cas dans l'Antiquité. La poésie érotique ou amoureuse était un petit genre mineur, mais depuis le Moyen-Âge, pour nous, la poésie, c'est d'abord la poésie d'amour. Comme dans Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 1700, alors on écrit des sonnets qui la font rire. Ça va ensemble. Et c'est peut-être aussi une certaine image des relations des hommes et des femmes? Oui, et c'est une image qui est favorable aux femmes. Georges Duby aurait dit que ça ne correspondait à rien dans la réalité. Il n'y était pas, moi non plus. Mais ce qu'on voit dans cette poésie, c'est que la relation amoureuse est calquée sur la relation féodale, que la dame est la domna, la suzeraine, et que le service d'amour est calqué sur le service vassalique. Ce qui rend d'ailleurs la situation compliquée quand les poèmes sont des poèmes féminins. Vous y avez fait allusion, nous y reviendrons peut-être. Alors dans quelques minutes, je raconterai l'histoire d'Amaury. C'est une histoire fictive, celle d'un jeune homme destiné à devenir moine qui, en 1209, dans des circonstances assez inattendues, va découvrir l'univers enchanteur des troubadours, découvrir les femmes et l'amour aussi. Mais d'abord, Michel Zinc, pour bien apprécier cette histoire, j'aimerais que vous nous rappeliez ce qu'était la France en ce tout début du XIIIe siècle. C'est l'époque de la féodalité? Oui, c'est l'époque de la féodalité, donc avec une hiérarchie qui va du roi ou de l'empereur dans l'Empire germanique, mais le roi de France est empereur en son royaume, jusqu'au dernier vassal des vassaux, celui qu'on appelle un vavasseur. Mais surtout, ce qui caractérise la France, si on considère en gros la France actuelle, c'est qu'elle est séparée en deux par une frontière linguistique. Au nord, on parle ce que Dante appellera la langue d'Ouï ou langue d'Oïl, et au sud, ce qu'il appelle la langue d'Oc, la langue... Il distingue selon les façons de dire oui, l'italien est la langue de si. La frontière linguistique passe au nord de l'Auvergne et les deux langues sont proches syntaxiquement, même morphologiquement, mais sont tout de même deux langues distinctes et c'est en Languedoc qu'apparaît d'abord cette conception de l'amour et cette poésie de l'amour, celle des troubadours. Troubadour, c'est un mot de Languedoc. En français, c'est trovéor ou trouver, comme nous disons. Verbe trouver. Comment expliquer, Michel Zin, que c'est dans le midi de la France, et particulièrement à cette époque, donc 12e, 13e siècle, que naît ce nouvel art poétique? Alors, on ne le sait pas bien. On a pu soutenir que cet art venait de l'Espagne arabe et que la poésie des troubadours dériverait de la poésie arabe. Qu'il y ait des liens, ça ne fait pas de doute. Qu'il y ait une filiation directe, c'est beaucoup plus douteux. Et d'ailleurs, pourquoi au nord des Pyrénées et pas au sud? On a dit que la poésie des troubadours s'inspirait de la poésie liturgique, qui connaissait un grand développement, en particulier à Saint-Martial de Limoges, et les premiers troubadours sont plutôt de cette région, Limousin-Gascogne, mais surtout Limousin. Mais ça marche, si on peut dire, formellement, pour la forme des poèmes, mais pas pour le contenu amoureux, naturellement. Donc, pourquoi ce phénomène est-il apparu dans ces régions particulièrement? J'avoue que nous ne savons pas trop. C'est comme ça. Un mystère. Alors, je vous propose de retrouver Michel Zinc dans une trentaine de minutes. Tout de suite, on écoute Azalaïs, la belle troubadour, un texte écrit par Tadi McNamara, spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. La réalisation est signée Sophie Haute-Picon. Amicae de gran valor, que sibre tot sen horeia, e non accord trichador, pasme, quis amor madrera. Enfin, le sud. Le monastère n'est plus très loin. Le Languedoc. J'aimais tant quand mon père me parlait de ce pays. Son pays. Il m'en parlait à la tombée de la nuit. En Languedoc. Une langue douce et mélodieuse. La langue qu'il m'a apprise. Puis un jour, le ciel s'est assombri. Il est mort. Et il n'y a plus eu d'histoire. Mon destin est tout tracé, je vais entrer dans les ordres, pour toujours. Mais avant, si j'allais visiter son pays, j'ai gravi des monts escarpés, j'ai traversé des forêts, des grottes, des lacs, j'ai rêvé d'une femme à la peau blanche, et maintenant, de la garrigue à perte de vue. Quel chemin je dois prendre? Ce sentier bordé de genêts éclatants, ou la petite draille envahie d'épines? Ma vie en sera-t-elle différente? Il n'y a qu'une manière de le savoir. Je vais essayer. Et tant pis si le chemin est plus difficile. Languedoc, 1209. Amaury, 20 ans, voyage dans le sud de la France. Bien qu'issu de la petite noblesse, il doit rejoindre un monastère à Béziers. Car Amaury est un fils cadet, sans héritage et sans terre. Comme le veut la tradition, son destin est de devenir moine. Dans les auberges où il s'arrête, Amaury a l'impression d'être en pays étranger. Tout est si différent du Nord, les vêtements, les épices, le vin. Pourtant, le jeune homme passe pour un enfant du pays car il maîtrise la langue d'oc, parlée de Narbonne jusqu'au Limousin. En 1209, le Languedoc n'est pas encore rattaché au royaume de France. La civilisation occitane connaît son âge d'or. Les cours des seigneurs du Sud sont de hauts lieux de culture et d'ouverture. Les troubadours y chantent la femme et l'amour. En même temps, une hérésie chrétienne, le catharisme, se propage. Une grande croisade meurtrière se prépare. Dans les collines près de Béziers, au milieu des châtaigniers et des bruyères, Amaury rencontre un homme étendu dans l'herbe. « Enfin quelqu'un. Ça fait longtemps que j'attends. Approche. Approche, je te dis. Je ne me lève pas pour te saluer, ça ne te dérange pas? Non, pas du tout. Comment tu t'appelles? Amaury. Heureux de te rencontrer, Amaury. Je suis Elias Ducel, seigneur et troubadour. Tu sais lire, n'est-ce pas? Oui. Tu sais déchiffrer la musique? Les frères me l'ont appris. Alors il n'y a pas de temps à perdre. Regarde dans les buissons, là-bas. Les buissons? Quand j'ai compris ce qui se tramait, je les ai dissimulés. Vous êtes blessé? Vous saignez? On vous a attaqué? Oui, oui, un voleur. Je ne m'imaginais pas qu'il en serait capable. Il faut vous soigner. Il faut des herbes. Du thym. Ou des feuilles de laurier. Oh, la blessure est trop profonde. On va vous tirer de là. Non, mon jeune ami. C'est terminé. C'est drôle, tu ne trouves pas? J'ai passé ma vie à composer les chants les plus harmonieux qui soient. À quoi ça me sert maintenant s'il n'y a personne pour les entendre? C'est vrai que la blessure est profonde. Prends mes parchemins, s'il te plaît. Ils sont là, au milieu de la bruyère. Ce sont mes dernières chansons, mes plus belles trouvailles. Aucun être vivant ne les a encore entendues. Tu les vois? Oui. Je te les confie. Tu les garderas comme un bien précieux. Je les remettrai au monastère de Béziers. Non! Je ne veux pas qu'elles se morfondent dans une bibliothèque. Je veux qu'elles vivent. Alors, je trouverai un jongleur pour les chanter. Ah non, non, non, non, non, pas un jongleur. J'ai déjà été trahi. Alors je trouverai un troubadour, le plus grand du Languedoc. Non, non, non, non, non. Pas question. Si Guy ou le gros Gossem Fédi mettaient la main dessus, ils voudraient se les approprier. Ils les dénatureraient. Alors, que dois-je faire? Je veux que tu les chantes, Amaury. Je ne comprends pas. Je veux que tu deviennes ma voix. Pourquoi moi? Je ne sais pas. J'ai confiance en toi. J'affronterai la mort comme j'ai vécu, sans crainte. Mais je veux que mes chansons continuent à vivre, à la cour, à Carcassonne. Je ne sais pas chanter. Alors tu les liras à voix haute. Je ne t'ai pas tout dit. Il y a une femme, à Carcassonne, à qui j'ai fait du tort. Azalaïs, la plus gracieuse des dames au monde. Ses chansons lui sont destinées. Je veux la saluer par ton entremise. Je dois entrer au monastère. Les frères... Tu n'es pas passé par hasard. C'est Dieu qui t'a envoyé sur cette draille. Aujourd'hui, il t'a choisi pour aller jusqu'à Azalaïs. Tu liras mes chansons devant la cour. Je ne peux pas. Tu leur diras que tu es jongleur. Elle seule comprendra que ces chants lui sont destinés. Mais ses larmes ne doivent pas couler. Tu ne lui diras pas que je suis mort. Tout n'est pas perdu. Si on mettait encore des feuilles de laurier. Il n'y a plus rien à faire. Mon heure est proche. Il paraît que dans l'autre monde, il y a des gammes inconnues des mortels. J'entends la musique. Elle se rapproche. Tu feras ce que je t'ai demandé. Attendez. Un instant. Seigneur Ducel. Seigneur Ducel. Vous ne m'avez pas dit qui est Azalaïs. Seigneur Ducel. Les troubadours ne sont pas de simples amuseurs, mais des musiciens professionnels. Ils propagent une éthique courtoise et une certaine vision de l'amour. Certains, comme Elias, sont nobles, mais ils sont issus de toutes les strates de la société, bourgeois, marchands ou même rois. Ils ont inventé un art d'aimer sophistiqué et sensuel, la fine amour. Leur poésie, qui s'appuie sur une inventivité musicale et littéraire, élève l'amour au rang de religion. Pour les troubadours, l'amour parfait ne peut s'épanouir que hors mariage. Dans les cours d'Occitanie, les troubadours animent la vie intellectuelle. Humanistes avant l'heure, il n'est pas rare qu'ils se mêlent au débat politique. Ils y croisent souvent les cathares, ces hérétiques chrétiens, mais les deux groupes ne se mêlent pas. Avant de se rendre à Béziers, Amaury se met en marche vers Carcassonne, une des villes fortifiées les plus importantes du Languedoc, réputée imprenable. Entourée d'une enceinte de murs solides et de 30 tours, la cité domine la vallée de l'Aude. Dans ses bourgs vivent près de 4000 habitants. À sa cour, le jeune vicomte Roger Raymond Trencavel reçoit les meilleurs troubadours. Dans la salle à manger du château, Amaury se mêle facilement aux nobles et aux troubadours. Un peu à l'écart des autres, le troubadour Gosselm Fédi mange en compagnie de son épouse, Guillelma. Le jeune homme lit rapidement conversation avec eux. Nous n'aurions pas dû venir, Gosselm. Nous étions en sécurité sur la route. Ah, détends-toi. Et profite de cette bonne table, Guillelma. Connaissez-vous Azalaïs ? Azalaïs ? Bien sûr qu'on la connaît, Azalaïs. Là, tu peux me passer mon vin, mon amour ? Ça va commencer, dépêche-toi. Il faut qu'il m'en dise plus. Je dois savoir si elle est à la cour. Il paraît que c'est une dame hors du commun. C'est Elias Ducel qui me l'a dit. Elias Ducel. Ce bon vieux Elias. Un poète, digne d'Ovid. Encore un peu de vin ? Au fait, que devient-il ? Que devient-il ? Il est parti. Loin. Sur les routes. Oh, quel dommage. J'espérais débattre avec lui devant toute la cour. Et moi, je donnerais cher pour être loin d'ici. J'ai hâte de rejoindre mon monastère à Béziers. Au fait, tu ne me l'as pas dit. Mais de quelle cour viens-tu ? Auvergne. Je viens d'Auvergne. Ah, l'Auvergne. La cour du dauphin. On y était il y a quelques années. Tu te souviens, Guillelma ? Oui, très bien. Tu n'as pas pu aller jusqu'au bout de ta chanson. Tu avais tellement mangé. Je faisais honneur à la largesse de notre hôte. Mais donc, vous disiez que vous connaissiez Azalaïs. Oui. En fait, est-ce que tu connais Armand de Boyon ? Il est resté 5 ans au service du dauphin, lui. Je fréquente surtout les cours étrangères. Ah oui ? Quel pays ? Un peu de tout, la Castille, la Catalogne, l'Italie. C'est là que j'ai rencontré Elias. L'Italie. J'aimerais retourner là-bas. Tu te souviens, Guillelma ? Je me souviens d'une histoire de mouton. C'était une prostituée quand je l'ai épousée et la plus merveilleuse des dames. Je l'emmène avec moi dans toutes les cours. Il faut y aller, Gaussel. Mais bien sûr, mon amour, bien sûr. Encore quelques gouttes de ce délicieux petit vin. Elle a peur de tout. C'est cette histoire de croisade, ça l'effraie. La croisade ? Les soldats du pape. Ils veulent chasser l'hérésie du sud. Ils prétendent œuvrer au nom de Dieu, mais ce qu'ils veulent, ce sont les terres. Ah, c'est Cagarelle. Nous n'avons rien à craindre, Guillemin. Nous sommes catholiques, comme eux. Un jour, ils ne feront plus la différence. Nous sommes à l'abri, ici. Aucune forteresse ne nous protégera de leur folie. Le vicomte Trencavel saura les convaincre. Et l'année prochaine, nous serons en Italie, je te le promets, mon amour. Bon, en attendant, ça va être à nous. Qu'est-ce que tu vas chanter ce soir ? Chanter, justement. Un petit problème, ma voix s'est éraillée pendant le voyage. Oh, ce n'est pas important. Le cœur d'une chanson, ce n'est pas son exécution. Les mauvaises langues disent qu'ils chantent mal. Oh. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein ? Allez, allons-y, ça commence. Tu entends cette voix ? C'est elle, Azalaïs. Une femme troubadour. Bien sûr, une troubaïritz. Et une des plus grandes, Azalaïs de Portiragne. Il n'y a pas de troubaïritz en Italie ? Si, bien sûr. Dépêchez-vous, nous allons rater sa chanson. La salle ronde, au donjon, est la plus belle pièce du château. Toute la cour est réunie autour du comte de Trencavel. Les chevaliers et les dames discutent ou jouent aux échecs. Des scènes antiques sont peintes sur les murs. À présent que le repas est fini, la cour se prépare à une soirée de divertissement. Un jongleur récitera le lait des parfaits amants, la salle résonnera au son mélodieux du galoubet ou de la mandore, et des chansons d'amour d'Azalaïs de Portiragne, une troubaïritz, une femme troubadour. L'histoire a retenu les noms de 23 troubaïritz, toutes issues de la noblesse. Ces poétesses chantent la fine amour, mais en détournant et en s'appropriant les codes. Elles se produisent à l'égal des hommes et expriment leurs sentiments devant la cour. Elle est d'une beauté éclatante. La peau blanche, les cheveux clairs, et cette voix, celle d'une amante qui se consume de désir, qui veut que son amie s'allonge nue à ses côtés. C'est comme un miracle. La salle est transfigurée. Chacun s'imagine être le destinataire de ce chant d'amour. Mon monastère me semble loin. Ma vie d'avant, les frères, la draille envahie d'épines m'a emmené jusqu'au paradis. Rien ni personne ne m'en fera partir. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Amaury, tu m'entends ? Une flèche t'a traversé le cœur ? Comment fait-elle pour déclamer devant tout le monde ses émotions les plus intimes ? Tiens, Peyr, une vieille connaissance. C'est l'ancien jongleur d'Elias Ducel. Ah, Gaussem le glouton. Comment ça va ? Tu as vu comme il est drôle ? Et ta chère épouse, Guillaume, où est-elle? Dehors, avec les soldats. Quel humour! Tu as vu ça? Quel humour! Père, cet homme a des nouvelles d'Elias. Il l'a côtoyé en Italie. En Italie? Récemment? Oui. Avant de venir dans le Languedoc, il y a quelques jours. Amaury va chanter tout à l'heure. Enfin, chanter. Il va réciter. Tu écris tes propres chansons. Tu es jongleur comme moi ou troubadour? Et elle, Azalaïs, est-ce qu'elle s'intéressera à un pauvre petit clerc qui ne connaît rien au monde? Tout juste bon à réciter les vers d'un autre. Amaury? Et si je disais que j'avais écrit ces chansons? Elias n'en a plus besoin. Elles sont à moi. Amaury? Et puis mon cœur est pur. Tu as entendu? Alors, tu es troubadour ou jongleur? Troubadour. J'écris mes propres chansons. Ah. Et j'écris une chanson pour une dame ici, à la cour. Tous les regards se tournent vers moi. Chez tous, il y a une telle bienveillance, un tel amour de l'art. Aras, can vei verdear, prats e vergiers e boscaches, voi un discord commensar d'amour. Je prends confiance. Ma voix est plus assurée. Je ne récite plus la canzo d'Elias, je l'incarne. Je la vis. Ces mots d'amour m'appartiennent. Io son quel che ben non aio, ni jamais non la vero, ni per april, ni per maio. Dans un coin de la salle, Azalaïs. Ses yeux ne quittent pas les miens, sérieuse et réceptive. Ce chant d'amour lui est destiné. Elle le sait. J'en suis sûr. Sous le ciel étoilé, les remparts de Carcassonne sont gagnés par la pénombre. Plus tard dans la soirée, Amaury erre dans les ruelles étroites, enivré de poésie et d'amour. Hé, psst. Amaury d'Auvergne. Qui va là? Tu ne me reconnais pas. Père, l'ancien jongleur d'Elias. Je n'ai pas eu le temps de te féliciter tout à l'heure. J'ai adoré ta chanson. Autant de maîtrise chez un jeune artiste, c'est rare. Merci. La plupart des poètes prennent des années pour arriver à ça, et toi, débarqué en Zedou, du haut de tes 15 ans. 20. J'ai 20 ans. Et toi, du haut de tes 20 ans, tu déclames les plus beaux vers jamais écrits par l'homme. J'ai beaucoup travaillé. C'est ce que je me suis dit au début. Puis, j'ai un peu tendu l'oreille. Et tu n'imagineras pas ce que j'ai reconnu. Les chansons d'Elias. Dis-moi, s'il te plaît, comment tu les as eues? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Pas de ça avec moi, Amaury. Je reconnaîtrai son style entre mille. Nous avons travaillé ensemble, lui et moi, pendant des années, jusqu'à ce que de basses considérations financières ne gâchent une si belle collaboration. Il me les a données. En Italie. En Italie? Et que faisait-il là-bas? Et maintenant, où est-il? En Italie, toujours? Oui. Allez, Amaury, un effort. Je ne te demande pas toutes les chansons, juste assez pour embrasser ma nouvelle carrière. Tu crois que c'est agréable d'être jongleur? Un troubadour de dernière classe, d'être honni, décrié, la lie de la terre. Il vient un âge où le corps ne suit plus, où on se met à rêver d'une vie plus paisible, des honneurs, de l'amour. Alors, moitié pour toi, moitié pour moi, qu'est-ce que tu en dis? Non. Tu n'as pas compris. Je ne te donne pas le choix. Donne-les-moi, je vais les prendre. Où les caches-tu? Ici? Dans ce sac? Arrête! Donne à celui qui te demande, disait Mathieu. Ne me touche pas! Éloigne-toi! Qu'est-ce qui se passe ici? Guillaume, bonsoir. Et que fait une domna comme vous si tard dehors? Oh, mais attendez, j'ai une idée. Laisse-le partir. Ou tu vas le regretter. Oh, oh, oh, mais bien sûr. Tout ce que vous voulez. Gente dame. Ne t'occupe pas de lui. C'est un losangier. Un scélérat de la pire espèce. Ouais. Azalaïs m'a demandé de t'emmener auprès d'elle. Azalaïs? Oui. Après, Gaussem t'attendra pour te dire au revoir. Demain matin, nous partons. Ah, Pourtant, la ville de Carcassonne est si belle. La beauté côtoie souvent la mort. Quand Amaury arrive à Carcassonne, ses habitants vivent sous la menace d'une croisade. Depuis 10 ans, le pape Innocent III souhaite exterminer les hérétiques du sud, les cathares, ainsi que les seigneurs qui les protègent. En 1209, l'assassinat de son légat fournit au pape une occasion idéale. Une armée catholique de 10 000 hommes prend la route du Languedoc. Elle est composée de seigneurs du Nord et de mercenaires sanguinaires. Impressionné, le comte de Toulouse négocie immédiatement sa réconciliation. Son vassal, le vicomte Trencavel, sait que Carcassonne, sa ville, est en première ligne. Bien que lui-même catholique, il compte de nombreux cathares dans sa famille. Dans un jardin au cœur de la forteresse, Azalaïs attend Amaury à l'abri des regards. Faiblement éclairé par des torches, le couple est entouré d'arbres fruitiers et d'herbes aromatiques. La chanson de ce soir, j'en étais la destinataire ? Oui. J'en étais sûre. Et pourtant, vous ne m'aviez jamais vue ? Je n'en avais pas besoin. On m'a parlé de vous. On m'a dit que vous étiez une dame sans égale. Qui ? Des gens. Et ils ne s'étaient pas trompés. C'est ce que vous dévoilez dans votre poème. Je l'ai beaucoup aimé. C'était doux et plein de charme. Il y a chez vous beaucoup de sincérité. Merci, madame. Vos mots me rappellent ceux d'un homme que j'ai connu autrefois. Ce d'Elias Ducel. Elias, je le connais. Vraiment ? Savez-vous dans quelle cour il exerce à présent ? C'est une mise au service d'une autre dame ? Vous cachez ce qui vous déplaît, sous un air nonchalant. Je le vois à vos yeux. Qui est-elle ? La dame de Castellosa ? Dites-moi donc, je ne serai pas jalouse. Je ne sais pas. Peu importe. Parlons de l'avenir, de moi et de vous. Aimez-vous cet endroit ? On y vient pour la sague, l'épreuve d'amour. La dame et son amant s'allongent nus. Le lierre recouvre leurs deux corps. Quand je me mettrai en votre merci, vous me respecterez ? Oui. Bien sûr que oui. Vous ne me demanderez rien d'outrageant ? Non. Non. Je ne faillirai pas. Je vous le promets. Nous rédigerons des tensos. Vous et moi, nous ne formerons plus qu'un. Dans toutes les cours du Sud, on chantera les œuvres d'Elias et Azalaïs. Comment ? Vous avez dit Elias ? Elias et Azalaïs ? Amaury. Amaury et Azalaïs. Vous n'êtes pas vexé au moins ? Répétez-moi le poème que vous avez dit devant la cour. Je peux vous dire bien d'autres choses. Vos lèvres sont rouges comme le feu. Non. Non. C'est ce poème que je veux entendre. Il appartient au passé. Je vous en écrirai de bien meilleurs. Croyez-moi, Amaury d'Auvergne, ce chant-là est votre chef-d'œuvre. Vous ne retrouverez pas une telle pureté de sitôt. S'il vous plaît. Domna gent et esernida, Gaia et pros et conoessens. Ne vous arrêtez pas. J'ai pourtant d'autres mots qui me viennent. Non, continuez celui-ci. Domna gent et esernida, Gaia et pros et conoessens. Encore, avec plus d'ardeur. Convaliam vostre enseignements, car jues et jovens vos guida. Je ne peux pas. Où allez-vous ? Je dois partir. Pourquoi ? Dans sa forme la plus aboutie, la fine amour constitue une initiation amoureuse. Elle implique de la part de la dame et de son amant un engagement constant et de la discrétion. Même dans le sud, aux mœurs assez libérales, l'adultère est sévèrement puni. La rencontre amoureuse se passe donc à l'abri des regards. Et paradoxalement, la parole amoureuse et courtoise s'épanouit devant la cour. Cet aspect public est une manière de réguler et de sublimer la pulsion sexuelle. L'amant attendra en moyenne 3 ans avant d'être convié à l'épreuve d'amour, la sague, un instant de partage et de plaisir sensuel. Amaury a peur d'être taxé d'imposture, car la sincérité est au cœur de l'amour des troubadours. Il dénonce régulièrement les losangiers, les courtisans hypocrites. Alors, elle t'a proposé d'être ta dame ? Oui. Et tu t'es enfui ? Oui. Elle n'a pas encore oublié Elias. Je ne peux pas rivaliser avec lui. Et pourquoi ? Il serait revenu s'il tenait à elle. Tu ne crois pas ? Pourquoi se sont-ils quittés ? Il n'a pas supporté qu'elle devienne meilleure que lui. Elle ne connaissait personne quand elle est arrivée à la cour. Pas même son mari. C'est Elias qui l'a initiée à notre art. Encore du vin ? Oui, volontiers. Et alors tu vois, peu à peu, elle l'a dépassée en estime et en renommée. Le jour de la sague, de l'épreuve d'amour, il est parti. Elle ne l'a jamais revu. Je crois qu'elle l'attend toujours. Et au fait, Guillaume m'a parlé de ta querelle avec Père. Qu'est-ce qu'il te voulait ? Le jongleur ? Oh, rien de particulier. Méfie-toi de lui. Il est néfaste. Je n'aime pas ces blagues au sujet de Guillaume. Gosselm et Guillaume. Le jongleur et la soldadella. Ils ne nous laisseront jamais l'oublier. Si tu savais ce qu'ils inventent sur nous. Gaucelm, Gaucelm ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas entendu ce qui s'est passé à Béziers. Les croisés ont massacré les habitants. Béziers ? La ville est à feu et à sang. Et le monastère ? Les frères ? Morts comme tous les autres. Ça n'a pas de sens. Ce ne sont pas des hérétiques. On est à l'abri nulle part. Tu avais raison, mon amour. Si je n'avais pas rencontré Elias, j'aurais péri. Qu'est-ce que tu racontes ? J'aurais dû être là avec eux. De quoi parles-tu ? Je ne suis pas troubadour. Je suis clair. C'est Elias Ducel qui m'a confié ses parchemins avant de mourir. Elias n'est plus ? Non, je l'ai trouvé dans les collines. J'ai enterré son corps. C'était un des derniers grands. Nous n'écrirons plus de Cervantes ensemble. Je l'aimais bien, malgré son caractère de cochon. Et donc ton poème de tout à l'heure, il était d'Elias à Azalaïs ? Quand je l'ai vu, je me suis mise à rêver. Qu'elle pourrait m'aimer, que moi aussi je pourrais devenir troubadour. Il faut que je la voie. Elle sera la source de Fongrande tôt le matin. Ses servantes s'absentent toujours pour quelques minutes. Je lui parlerai. Maintenant, redonnez-moi à boire. Je devrais être mort à l'heure qu'il est. La nouvelle du massacre de Béziers se répand rapidement dans la région. Le 21 juillet 1209, après le refus des habitants de livrer les cathares, les croisés ont pris d'assaut la ville. Aux soldats qui demandaient comment différencier les cathares des catholiques, le légat Arnaud aurait répondu « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». On dénombre en tout 30 000 victimes. 7 000 personnes ont été massacrées dans la seule église de la Madeleine. Amaury ? Mes servantes reviendront dans quelques minutes. Que voulez-vous me dire ? C'est au sujet d'Elias. Je vous ai menti. Il n'est pas en Italie. En Castille, alors ? Ni en Italie, ni en Castille, madame. Elias Ducel est mort. Je l'ai croisé dans les collines. Il a eu le temps de me confier ses chansons. Alors, c'est ainsi que nous nous quittons, Elias Ducel. Sans amour et sans adieu. Vous vous trompez. Il vous a dit au revoir. De quelle manière ? Ses chansons, madame. Il m'a chargé de les porter jusqu'à la cour. Il tenait à s'excuser pour le mal qu'il vous a fait. Les poèmes que vous avez chantés étaient de lui ? Oui. Il n'a pas souffert. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant ? Je vous ai vu. Je vous ai aimé. Ce n'était pas moi que vous aimiez. C'était l'idée de l'amour. Qui êtes-vous alors ? Un clerc. Un clerc ? Et maintenant ? Allez-vous apprendre l'art de trobar ? Non, madame. Ma place est au monastère. C'était fou de croire le contraire. Tu as beaucoup à apprendre, Amaury. On n'a pas qu'une vie, on en a plusieurs. Votre ami Gaucelm Fedi était marchand, et maintenant sa poésie est des plus exquises. Attendez, j'oubliais. Il aurait aimé que vous les ayez, ces chansons. Merci. Vous en trouverez une autre de Donna, plus jeune que moi. Il n'en existe pas d'aussi bien faite, de corps et d'esprit. Vous feriez un bon troubadour, Amaury. Vous en avez la jeunesse et la joie. Nos chemins se séparent. J'espère que vous arriverez sains et saufs à Narbonne. Nous n'allons plus à Narbonne. Ah. Mais en Italie. Il n'y a plus rien à faire ici. La violence engendre la violence. La haine ne fait que commencer. Je ne reconnais plus ce pays. Elle a raison. Je ne voulais pas le voir. Le temps des troubadours est fini. Que Dieu te garde, Amaury. Au revoir, mes amis. On se retrouvera peut-être un jour. Encore vous. Donne-moi les chansons. Elias ne voulait pas qu'elles tombent dans les mains d'un jongleur. Non, seulement dans les mains d'un homme sincère et honnête. Allez, Amaury d'Auvergne. Même moi, je ne détrousserai pas un cadavre. Je reconnais un vautour quand j'en vois un. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je reconnais un vautour quand j'en vois un. Non ! Avant ça, vous avez parlé de détrousser un cadavre ? Oui. Et alors ? À part moi, une seule personne sait qu'Elias est mort. Celui qui l'a tué. Ah, élucubration. Alors comment le savez-vous ? Pour rien au monde, il n'aurait lâché ses précieux parchemins. Son assaillant n'était pas un inconnu, mais un proche. Quelqu'un qui connaissait son itinéraire dans les collines. Et qui l'a suivi. Un être fourbe, envieux et lâche. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ils nous traitent comme des moins que rien. Alors que nous sommes mélodistes, nous aussi. Tout ce que je lui demandais, c'était une ou deux chansons. Il en avait tellement. Et quand il a refusé, vous l'avez tué. C'était un accident. S'il n'avait pas eu ce fichu caractère. Vous l'avez trahi, puis abandonné. J'ai enterré son corps. Tu ne peux pas le prouver. On ne te croira jamais. Tu ne vois pas que nous sommes pareils, toi et moi. Qu'est-ce que c'est ? Un couteau ? Vous voulez me tuer ? Moi aussi ? Écoute-moi. Je veux que tu comprennes ce que j'éprouve. Ne t'approche pas. Recule, je te dis. Ne fais pas un pas de plus. Ce sont les croisés. Ils arrivent. Le siège va commencer. Il faut partir. Pendant qu'il en est encore temps. Faisons équipe, toi et moi. Pas question. Alors tu mourras comme un chien. Je ne resterai pas ici. Dans le bourg, des bruits de troupeaux. Les habitants des environs se réfugient avec leurs bêtes. De l'autre côté de la plaine, un nuage de poussière s'élève. Les vassaux du vicomte approchent. Ils sont déterminés à défendre leur suzerain. Quel chemin dois-je prendre ? Le passage le plus facile ? Ou la draille, envahie d'épines et de thym ? Je resterai pour me battre, pour le vicomte, pour Carcassonne, pour Azalaïs. Tan hai lo cor de Zeubut, per que u soi a tots estrana, e sai que l'homme a perdut mut plus tost que non gazana. Amaury. Elias ? Est-ce que je suis en train de rêver ? Oui, mon jeune ami. Le siège dure depuis 3 jours. Je vous ai trahi. Je suis désolé. Tu as réparé tes erreurs. Et Azalaïs a raison. Tu ferais un excellent troubadour. Approche-toi. J'ai quelque chose à te donner. De nouvelles chansons ? Un conseil, plutôt, pour ta future carrière. Quand tu chantes, tu dois t'abandonner. Et cesser de t'appartenir. Comme l'alouette qui s'oublie quand la douceur entre dans son cœur. Merci. Nous ne nous reverrons plus. Ce ne sont pas les croisés qui viennent à bout des habitants de Carcassonne, mais la soif. Quand l'eau vient à manquer, le vicomte Trencavel doit rendre les armes. Les assiégeants investissent la ville. Mais contrairement à ceux de Béziers, les habitants sont épargnés. Ces batailles marquent le début d'une guerre meurtrière qui ravagera le Languedoc pendant 45 ans. Dans les cours princières du pays d'Oc, la philosophie de la fine amour s'effacera lentement au profit de la religion. On ne chantera plus la Dame aimée, mais la Vierge Marie. En 1231, l'Église crée de nouveaux tribunaux ecclésiastiques pour persécuter celles et ceux qu'elle juge hérétiques. L'Inquisition ne fait que commencer. La croisade albigeoise durera jusqu'en 1243. De nombreux troubadours doivent se résoudre à l'exil, dans les cours des péninsules du Sud, en Castille, en Catalogne ou en Italie. Guiraud Riquier, le dernier troubadour, meurt en 1292. Sa disparition marque la fin de l'âge d'or occitan. Mon père me parlait de ce pays en langue d'oc, une langue douce et mélodieuse, la langue qu'il m'a apprise. Ce pays-là n'existe plus. Ils l'ont piétiné et ont extirpé son âme. Maintenant, je voyage vers la Castille. Je suis devenu troubadour à mon tour. À chaque chemin que je prends, mon destin bascule. On n'a pas qu'une vie, on en a plusieurs. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Gosselme et Guillelma. Ils ne sont jamais réapparus dans les cours. J'espère qu'ils sont arrivés sains et saufs en Italie. Je les imagine sur les routes, se chamaillant mais heureux. Père le jongleur n'a pas survécu longtemps, seul dans la garrigue. Sur son cadavre, des bergers ont retrouvé un parchemin. On dit qu'il y avait deux vers d'une chanson qu'en 20 ans, il n'avait jamais réussi à finir. Et Azalaïs, la trobaïritz, celle que j'ai aimée et qui m'a initié à l'art du trobar. Après le siège, elle a retrouvé son époux à Narbonne et moi j'ai rencontré d'autres dames. Mais toutes m'ont semblé fades à côté d'elle. Nous nous retrouverons peut-être un jour dans un jardin à l'abri des regards. Je la séduirai avec mes propres chansons cette fois. Et elle me conviera à la sague, l'épreuve d'amour. Azalaïs, la belle troubadour de Tadi McNamara, avec Vladislav Galard, Amaury, Odile Heimburger, Azalaïs, Emmanuel Matt, Gosselm, Emmanuel Lafon, Guillelma, Éric Frey, Elias, Philippe Lofredo, le jongleur, composition et interprétation à la guitare, Stéphanie Petitbon, bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage, Olivier Dupré, Pierre-Henri et Antoine Vieussa, assistant à la réalisation, Félix Levacher, réalisation, Sophie Haute-Picon. Dans quelques minutes, nous poursuivons l'entretien sur les troubadours avec mon invité Michel Zinc. J'ai tout dit, j'ai terminé ma phrase, tout dit, j'ai tout dit, c'est gravé dans le marbre, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu veux que l'on se parle, tout dit, oh, ma sœur, il te garde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, des oiseaux dans les arbres, tout dit, j'ai, tout dit, j'ai fui à la hussarde, tout dit, j'ai, tout dit, et les rats m'ont suivi, tout dit, eh, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu as peur pour ma vie, tout dit, oh, ma sœur, il te garde, tout dit, je, tout dit, suis. Tout dit de Camille, une trobaïritz contemporaine sur France Inter, autant n'emporte l'histoire. L'émission est réalisée par Michel Billou, assisté de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Elisabeth Collet. Michel Zinc, je le rappelle, vous êtes spécialiste de littérature du Moyen-Âge, en particulier de la poésie des troubadours. Vous écrivez des livres pour faire partager votre passion de cette littérature, pour la rendre accessible. Alors, est-ce qu'en entendant justement la voix de ce jeune Amaury rêvant de la belle Azalaïs, vous avez eu l'impression qu'on y était un petit peu dans le Languedoc du XIIIe siècle? Oui, on y était vraiment un petit peu. Évidemment, moi je suis un cuistre, alors je relève ça et là, des petites choses. Oui, c'est normal. Mais pour l'essentiel, nous y sommes, et l'auteur a utilisé de très près des éléments de l'époque. Par exemple, Gausenfeindet, la vie et ce qu'on appelle les rasos, c'est-à-dire les commentaires des chansons de Gausenfeindet, conservés dans des manuscrits de la fin du XIIIe et du XIVe siècle, donc pas longtemps après, nous disent que Gausenfeindet était le fils d'un marchand du Zerche, qui s'est fait jongleur, qu'il est devenu obèse à force de trop manger et trop boire, qu'il a épousé à Uzès une femme de mauvaise vie qui est devenue aussi grosse que lui, etc., et qu'il chantait très mal, tout ça, on le retrouve. On dit qu'il s'était marié, je crois, à Uzès. Et effectivement, on s'est aperçu qu'il s'était marié à Uzès, enfin bon. Et de même, Azalaïs de Porcairag était une trobaïrite, c'est les questions de Na Castellosa qui en était une aussi. Alors, il y a des choses, par exemple, le fameux Assad, l'essai, il faut se coucher nu à côté de la jeune femme nue, et puis s'il ne se passe rien, c'est qu'on la respecte, alors la fois d'après, il peut se passer quelque chose. Je ne sais pas si c'était aussi systématique que ça. Azalaïs s'étonne que Amaury soit un clerc. En fait, beaucoup de troubadours étaient des clercs, et même des moines, le moine de Montaudon. Mais sinon, l'esprit, il y a tout, le ton est très juste. Enfin, c'est bien. Amaury, donc, c'est un fils de la petite noblesse qui se destine à devenir moine. Il croise donc sur son chemin la poésie et l'amour, heureusement, qui vont le détourner, enfin, heureusement pour nous, de ce qu'il croyait être, en tout cas, son destin, un moine défroqué. Donc, vous le disiez, les troubadours, en fait, ils étaient de toutes origines. Il y avait même des rois. Il y avait, par exemple, Guillaume IX, le duc d'Aquitaine. Le premier troubadour dont nous connaissions les œuvres, c'est Guillaume IX, comte de Poitiers, duc d'Aquitaine, le plus grand seigneur sur l'espace de la France actuelle, avec des terres infiniment plus étendues que celles du roi de France, dont il était théoriquement vassal. Dauphin d'Auvergne, dont il est question, était un très grand seigneur. Il y avait des clercs, il y avait de tout. Il y avait un marchand de Marseille, Folquet, qui ensuite s'est converti, s'est fait moine, est devenu évêque de Toulouse en pleine croisade albigeoise, a eu un destin tout à fait bizarre, mais qui avait écrit de belles chansons d'amour. C'était très mélangé. Et alors les jongleurs, les troubadours les plus aisés, comme on le voit avec Elias Ducel, avaient un jongleur à leur service, d'autres ruinés se faisaient jongleurs, des jongleurs devenaient troubadours, et la frontière entre les deux n'était pas, à l'époque, au moins au XIIe siècle, absolument nette. Qu'est-ce que c'est quoi un jongleur ? C'est quelqu'un, c'est un amuseur ? Oui, un jongleur, c'est un amuseur, il peut aussi bien marcher sur les mains, montrer un ours savant, comme dans Les Visiteurs du soir, ou un chanter... Un acrobate, ou chanter des chansons d'amour, ou des chansons de gestes, ou des vies de saints. Et un dominicain du XIIIe siècle, Thomas Chobham, dit « Tous les jongleurs iront en enfer, sauf ceux qui chantent les hauts faits des princes et les vies des saints, c'est-à-dire les chansons de gestes et les vies de saints. » Mais à la fin du XIIIe siècle, Guiraud Riquier, un des derniers troubadours dont il a été question dans la pièce, écrit un poème à l'adresse du roi de Castille pour demander de légiférer sur la hiérarchie des genres et que les jongleurs n'ont pas le droit de s'appeler troubadours et ça. On voit le déclin, n'est-ce pas, ce besoin de figer les choses. Et des rivalités aussi. Jongleurs, c'était jamais très enviable. C'est comme ça qu'on a inventé dans le Nord le mot ménestrel, qui veut dire ministre, c'est-à-dire serviteur du prince, et c'était un jongleur fonctionnaire, en somme. Alors tout le monde se disait ménestrel comme fournisseur de la roi et reine d'Angleterre. Du coup, le mot s'est dévalué aussi. Peut-être qu'on pourra en parler aux ministres, leur dire qu'ils sont des ménestrels, finalement. Ben c'est ça. Ben un ministre, un serviteur. Je ne sais pas si les ministres de notre gouvernement apprécieraient. Un ministre est un serviteur, mais nos ministres sont un tout petit peu oubliés. La vie des troubadours est belle quand ils ont du succès, qu'ils trouvent un seigneur, une cour pour les accueillir, les entretenir. Mais ils passent aussi une grande partie de leur vie, on l'a entendu, sur les routes, de château en château. Ils vont à pied, ils vont à cheval. C'est une vie d'errance aussi. Oui, c'est une vie d'errance qui est une vie un peu misérable, effectivement, pour les jongleurs qui cherchent à gagner leur pain, qui vont dans les cours, qui offrent leurs services, qui chantent sur les places publiques, s'ils chantent des chansons de gestes. On a un poème du XIIIe siècle où tout le poème, c'est un jongleur qui dit « je vais vous chanter quelque chose, je vais vous raconter quelque chose, mais vous pouvez me donner ce que vous voulez, il y en a qui sont exigeants, moi une maille, la petite pièce de monnaie me suffit ». Et tout son poème, c'est expliquer ce qu'on peut s'acheter avec une maille. Mais en même temps, la vie d'errance, ou pas vraiment d'errance, mais de voyage, était choisie. Même des troubadours de haute naissance, qui ne vivaient pas du tout de leurs chansons, allaient de cour en cour, tout ce petit monde se connaissait. Nous avons des milliers et des milliers de chansons, et on a l'impression qu'il n'y en a pas une seule qui ne répond pas à une autre, qui la confirme, qui prend le contre-pied, qui reprend un bout de son schéma métrique. Ben, c'était une sorte de grand jeu de société poétique qui a duré comme ça pendant des décennies ou un siècle et demi. On a du mal aujourd'hui à comprendre ce qu'était l'amour courtois. Enfin, ça, c'est le vrai mot. Donc, c'est la fine amour. La fine amour. Alors, est-ce que c'est un amour purement intellectuel, platonique, qui sert un peu de prétexte à inventer des vers, ou est-ce que c'est un amour bien réel, bien charnel? C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Oui, parce que c'est un amour sublimé. Ce n'est pas se précipiter sur la dame, mais ce n'est pas un amour chaste. C'est-à-dire, c'est un amour qui tend vers son assouvissement, mais qui sait que l'amour, c'est le désir, et que le désir assouvi meurt. C'est cette idée de l'amour, et cette poésie vit de cette contradiction. L'hermétisme qu'elle cultive souvent, ou la difficulté, ou la rugosité qu'elle cultive souvent, eh bien, c'est une façon de rendre cette contradiction de l'amour. Et les femmes, alors, celles qui sont trop bahirites, les femmes troubadours, qu'est-ce qu'elles chantent? Elles chantent l'amour de l'homme? Oui. Alors, d'une part, il y a peu de femmes troubadours, une vingtaine, et encore là-dessus, il y a celles qui en réalité étaient des hommes, celles dont on ne sait pas si elles ont existé. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et leurs poèmes s'adressent à un homme, mais sont comme des poèmes masculins retournés. Et quoi qu'on en ait dit, leur voix, sauf quelquefois dans deux chansons de la comtesse de Guindy, etc., leur voix n'est pas très marquée comme voix féminine. En revanche, il y a une poésie féminine très importante, antérieure à celle des troubadours, qui remonte au latin tardif, qui est antérieure même à l'apparition des langues romanes, comme si il fallait la voix féminine pour chanter l'amour. Quelquefois, on sait que ce sont des hommes qui l'ont composée, cette poésie. Et cette poésie, c'est une poésie à la fois mélancolique et sensuelle. La femme, naturellement, est passive, elle ne peut pas mener une vie d'errance. Il faut attendre que son amant revienne. Et ces chansons chantent le désir mélancolique d'un amant qui vient ou qui ne revient pas. Vous pouvez pas nous en dire quelques vers? Ah ben si. Alors les premiers fragments qui sont conservés par la poésie arabe d'Espagne, c'est cela. Ah, je suis allé à la fontaine, ma mère, il n'est pas venu. Que ferai-je, etc. Bon. Et puis les chansons de toile françaises qui étaient supposées chanter les femmes travaillant à leur broderie ou lisant un livre. Belle Doët à ce fenêtre se sied, lit en un livre, mais au cœur ne l'en tient, de son ami Don l'y ressouvient, quand notre terre est allée tournoyer, et or en est dol, et maintenant j'en ai douleur. Puis il y a aussi des chansons grivoises de femmes. Eh bien, merci beaucoup Michel Zinck. Si on a envie d'en connaître un peu plus sur cette poésie, qu'est-ce qu'il faut lire? Alors, il y a des anthologies, naturellement. Pour les troubadours, il y a des éditions séparées. En français, il n'y a pas d'anthologie vraiment excellente, mais il y en a une de Pierre Beck qui doit être encore disponible. La meilleure, la plus complète, est en 3 volumes de Martin de Riquer, publiée à Barcelone, mais qu'on trouve encore. Et sur les trouvères, il y a une anthologie très abondante dans ma collection, Lettres gothiques, au livre de poche. Il devrait y en avoir une de Troubadour, mais il ne la termine pas, le collègue à qui je l'ai demandé. Et puis, il y a des manuels, et puis voilà, on peut bien se renseigner. Merci Michel Zinck. Donc, je recommande la lecture passionnante de Bienvenue au Moyen-Âge, disponible en livre de poche, un excellent petit livre de vulgarisation, très enthousiasmant, ainsi que d'un autre livre dont vous êtes l'auteur, Les Troubadours, une histoire poétique, publié chez Perrin. Et également, vous êtes l'auteur d'un roman plus ancien, Le Tiers d'amour, chez Bernard de Fallois. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. L'émission est bien sûr écoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Vous pouvez réécouter aussi ou podcaster des émissions que vous avez peut-être manquées, par exemple 1940, Max Ernst et Leonora Carrington, Une passion en temps de guerre, ou Alexandra Davinel au Tibet pour le bouddhisme ou pour la gloire, ou encore celle de la semaine dernière, Joseph Méric, Une vie d'homme éléphant. La semaine prochaine, c'est une belle histoire d'amour que je vous raconterai encore, celle de Diane d'Andouin, alias la belle Corisande, qui au XVIe siècle, dans la folie des guerres de religion, fut l'amante et la conseillère politique d'Henri de Navarre, futur Henri IV. Elle, catholique, lui, protestant, ils inventèrent ensemble le projet politique qui allait aboutir à l'édit de Nantes. À dimanche prochain donc, dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Noël Briam pour son émission État d'esprit. Très bonne soirée à tous.